Vas-y, on démarre. T'as pris ton chapeau, tes sandales et ta guitare. Étant donné la crise, on a lâché nos boulots pour faire le tour de France, version Chanel et Truchot. Regarde les fleurs et le beau paysage. À 80 à l'heure, la vie est sans nuages. On a besoin de rien d'autre que notre musique. Mais non, tu as oublié le public. Dans le van, dans le van, dans le van, van, van. Dans le van, dans le van, dans le van, van, van. Dans le van. Et on sera tellement bons qu'on aura des groupies qui crieront vive Tourelle jusqu'au bout de la nuit. Les mecs seront jaloux, mais pas trop longtemps. Ils seront vite sous le charme de notre talent. Les rappels et encore les bravos et les bis. Les holas dans le stade, nos poils qui s'hérissent. Et les femmes et les fans qui feront la queue pour avoir un autographe et peut-être beaucoup mieux. Dans le van, dans le van, dans le van, van, van. Y'a des fans, y'a des fans, y'a des fans, fan, fan. Y'a des fans dans le van, y'a des fans dans le van. Et après quelques semaines, on se fera remarquer par quelqu'un de très riche et de très futé. À nous les McDo et les clopes à volonté. Et tous nos rêves vont se réaliser. Et nous passerons alors sur énergie. On pourra enfin nous classer dans le R&B. Nous composerons l'hymne de l'équipe de France. Et tous les fans de Johnny seront en transe. Dans le van, dans le van, dans le van, van, van. Tout feu, tout flamme, tout flamme, feu, tout flamme, flamme, flamme. Dans le van, dans le van, dans tout feu. Dans le van. Dans le van, dans le van, dans le van, van, van. Dans le van, dans le van, dans le van, van, van. Dans le van, dans le van, dans le van, van, van. Dans le van, dans le van, dans le van. Fumée sous le capot, elle est bien noire. Arrête de chanter et lâche ta guitare. Tu vois pas que ça fait 10 minutes qu'on est arrêté. Il va falloir pousser car on est dans le fossé. Dans le van, dans le van, dans le van, van, van. Y'a des flammes, y'a des flammes, y'a des flammes dans le van. Plus de van, plus de fans, plus de femmes et plus d'enflammes.